Je pensais nous voir vieillir. Toute ma vie vient de s'envoler. Et pourquoi devrais-je continuer, même sans toi? Je ne veux pas oublier, je ne peux pas t'oublier. Je me sens abandonnée, crucifiée. Un cœur avide d'aimer, plus l'envie d'exister. Je ne peux pas oublier, t'oublier. La vie est un voyage, une histoire. On y écrit des pages d'espoir et désespoir. Parce que je t'ai aimé, tu m'as sauvé. Mais la douleur sommeille dans un cœur en paix. Les jours passés se ressemblent, la déprime vient de s'installer. De survivre et puis hélas, mon cœur il faut soigner. Salité temps pour moi d'essayer d'avancer, même si t'es tout pour moi. Rien ne sera jamais plus comme avant. Comme avant. Je pensais nous voir vieillir. Toute ma vie vient de s'envoler. Et pourtant je dois continuer, même sans toi.